Tandis que je m'adresse à vous, chers auditeurs, il est dans le monde des milliers de chrétiens qui souffrent pour rester fidèles à Dieu. Ils ne veulent pas renier leur foi et ils sacrifient tout pour la cause de Jésus-Christ. Ces héros de la foi souffrent pour être fidèles à leur Seigneur. Mais les souffrances des martyrs ne sont jamais inutiles. On a vu ces dernières années des bourreaux pleurer, des officiers de la police secrète se convertir, des persécuteurs transformés en défenseurs de l'Évangile. Et même, les masses ont été quelque peu sensibilisées à cette dure réalité lorsque les journaux, la radio et la télévision ont évoqué occasionnellement les injustices endurées par les églises persécutées. Un tel témoignage glorifie certainement le Seigneur. L'expérience de ces chrétiens persécutés rappelle celle des trois Hébreux du livre de Daniel, chapitre 3. Vous souvenez-vous, chers auditeurs, de la fournaise ardente dont nous avons parlé la semaine dernière? Pour les trois amis de Daniel, fléchir le genou devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée, c'était renier le Dieu vivant et vouer à l'homme un culte qui ne revenait qu'à l'Éternel. Aussi ont-ils refusé de se prosterner, et cela malgré la menace de la fournaise. Courageusement, ils ont répondu à Nebuchadnezzar : « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego étaient certains que Dieu prendrait soin d'eux. Leur foi était si profonde que peu leur importait de savoir quand Dieu les délivrerait, soit avant d'être jetés dans la fournaise, soit après. Et cette foi leur a donné un tel courage qu'ils ont défié l'homme qui faisait trembler le monde. Alors Nebuchadnezzar s'est fâché tout rouge. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Daniel chapitre 3, versets 19, 20 et 23. Avant de poursuivre la lecture de ce remarquable récit, je voudrais m'adresser à vous, chers amis à l'écoute, qui passez par l'épreuve. Des épreuves diverses, douloureuses, profondes. Des épreuves où Satan cherche à vous user et à vous décourager, mais où Dieu veut vous bénir et fortifier votre foi. Je souhaite que l'étude de Daniel chapitre 3 soit pour vous un réconfort de la part du Seigneur au sein de vos difficultés. Les 3 Hébreux ont été jetés liés dans la fournaise ardente. Normalement, ils auraient dû être consumés en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. J'en veux pour preuve le verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais est-ce une hallucination? Quelque chose d'extraordinaire se passe. Les 3 Israélites sont là, au milieu du feu. Ils marchent dans la fournaise et n'en éprouvent aucun mal. Et, miracle encore plus inexplicable, un 4e homme se tient là, dans la fournaise, à leur côté. Tout effrayé, Nebuchadnezzar se lève promptement au milieu de ses conseillers. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Certainement, ô roi. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Versets 24 et 25. Leurs liens étant tombés, Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu en profiter pour sortir triomphalement à la vue de tous. Mais ils ne l'ont pas fait, et bien leur en a pris, car s'ils avaient fui la fournaise, ils n'auraient pas fait la connaissance de ce mystérieux 4e. Ce 4e que Nebuchadnezzar a pris pour un fils des dieux et qui, en réalité, était Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant. Chers amis dans l'adversité, ne cherchez pas à vous soustraire à la fournaise ardente de votre épreuve. dans le feu de l'épreuve, vous allez rencontrer votre Seigneur, le Fils de Dieu, celui qui veut vous rendre victorieux en pleine épreuve et qui prépare dès maintenant la sortie de votre épreuve. Souvenez-vous de la promesse apostolique. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui délivre de l'épreuve. Nebuchadnezzar avait été impuissant pour empêcher le brasier de consumer les vigoureux soldats qui avaient jeté les trois Hébreux dans la fournaise. Et il pouvait encore moins faire chercher les trois hommes que le feu avait si mystérieusement épargnés. Il a fallu qu'il les appelle et qu'ils sortent d'eux-mêmes de la fournaise. L'entendez-vous, ce Nebuchadnezzar terrorisé? Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Daniel 3, 26. Oui, Dieu délivre de l'épreuve quand il estime que la discipline de l'épreuve a fait son œuvre en nous. Alors notre foi, d'abord éprouvée puis affermie, nous pousse à la louange. L'apôtre Pierre l'a bien dit aux chrétiens d'Asie mineure. Que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Et la louange a dû remplir le cœur de Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils sont sortis indemnes de la fournaise. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Daniel 3, 27 à 28. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas craint ceux qui voulaient faire périr leur corps dans le feu. Ils ont ainsi préservé leur âme immortelle. 6 siècles plus tard, le Seigneur Jésus a confirmé cette profonde vérité à ses disciples. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10, 28. Dans les temps difficiles qui vont venir, la grande tribulation dont parle la Bible, des milliers de martyrs préféreront violer l'ordre de l'Antéchrist et livreront leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. L'épreuve ne leur sera pas épargnée, mais leur justice éclatera aux yeux de tous, et le monde constatera sur eux ce que les hauts fonctionnaires de Babylone ont constaté sur les trois Hébreux. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alors Jésus-Christ les fera sortir devant tous de la fournaise de la persécution, comme cela a été révélé à l'apôtre Jean. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Par la grâce de Dieu, nous ne connaissons encore ni la persécution, ni la prison, ni les bûchers. Mais tout disciple du Seigneur est soumis à l'épreuve. Il arrive qu'en certaines situations, l'épreuve ressemble à une véritable fournaise. Chers auditeurs, dans votre fournaise ardente, avez-vous rencontré le quatrième, celui qui se tient à vos côtés au moment de l'examen crucial de votre foi? Permettez-nous de vous lire cette parole du prophète destinée spécialement à ceux qui traversent le feu de l'épreuve. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ésaïe 43, versets 2 à 3. Votre Sauveur sait comment vous délivrer de l'épreuve. Il sait aussi comment vous bénir dans l'épreuve et manifester sa divine présence au sein de l'épreuve. Et il saura vous montrer sa puissance pour que votre expérience dans la fournaise devienne un témoignage à sa gloire devant tous ceux qui vous entourent.